Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast, et ça une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous. Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans cette Agrenadine Story sur le jeu de Com Martin, Grinding Mall. Un jeu d'exploration étrange où les joueuses incarnent des jeunes adultes à la recherche de leur ami. Leur ami était à la recherche d'un objet très spécial. Cet ami, Simon pour le nommer, il s'était persuadé au gré de ses recherches qu'il existait un monde parallèle dans les centres commerciaux. Malheureusement, Simon a disparu. Alors ce sont aux joueuses d'aller le chercher. Nos joueuses justement, présentons-les. Nous sommes en charmante compagnie de 4 personnes. Charlie, MJ de Degenesis sur la petite poche JDR et joueur sur plein d'autres de nos campagnes pour pas dire toutes du coup. Charlie, dis-nous, qui joues-tu ? Eh bien, je jouerai Alex, donc un garçon de 15 ans qui est un petit peu le joyeux bout en train de la bande, toujours heureux, toujours content d'aller en classe et de retrouver ses amis. Il est aussi assez sportif dans le sens où il aime bien courir un peu partout, faire le fou, grimper aux arbres. Il croque la vie à pleines dents, donc. Et ce qu'il aime par-dessus tout, c'est aller se balader en forêt le week-end avec son chien Morgul. Donc il y a un tout petit dogo, tout ce qu'il y a de plus gentil, mais qui porte un sacré nom parce que Alex est aussi fan du Seigneur des Anneaux. Parfait, merci beaucoup. Nous avons aussi RL, hein, la première fois en session sur la petite poche JDR. C'est un plaisir de t'accueillir et dis-nous, qui incarnes-tu ce soir ? Coucou, donc moi je vais jouer Ambre. Qui est également troisième, voilà, fait de la guitare dans un groupe de rock. Elle est assez anticonformiste, mais bizarrement, elle est très calée en maths et elle se promène toujours avec son rat de compagnie Thalès. Ok, merci beaucoup, c'est génial. Passons donc à Gassar, joueur dans l'appel de Cthulhu sur la petite pause, mais aussi sur quelques-uns des one-shots et notamment dans la Grenadine Story. Gassar, raconte-nous qui est ton personnage. Alors Joseph, qui est lui aussi en troisième, lui est un jeune homme curieux, ses parents viennent de la ville, ils se sont installés pour créer une nouvelle entreprise autour de ces nouvelles technologies sur l'agriculture et tout ça. Quant à lui, il est vraiment passionné par l'SVT et lors de ses week-ends, il adore aller camper tout seul dans les bois. Ok, merci beaucoup. Et concluons cette rapide présentation avec Zen, qui a le même palmarès de Gassar sur la petite pause, si ce n'est qu'on peut lui rajouter le fait qu'il représente L5A sur cette chaîne ayant le seul à avoir deux one-shots dessus. Xen, présente donc ton personnage. D'accord. Mon personnage, en fait, c'est Kylian. Donc, c'est un troisième, mais certainement qu'il a redoublé une fois. Et c'est un enfant qui aime le basket, qui a un bon coup de crayon, mais qui reste un peu insolent avec certains des professeurs. Et voilà, il s'en fout un peu des fois, il vient pas en cours parce qu'il a pas envie, il a la flemme, il dort, etc. Mais sinon, c'est un bon camarade avec les amis qui aiment bien le sport et les activités que lui. Très bien. Eh bien, merci déjà à tous. Et nous allons donc pouvoir commencer cette partie du premier Grenadine Story qui se déroulera en plusieurs parties vu que le jeu est prévu entre 2 et 4 sessions et comment on avance je ne peux pas prédire à l'avance combien de temps ça va durer, mais on va essayer de vivre l'expérience complète d'une partie de Grinden Mall. Vous êtes actuellement dans un centre commercial à la recherche de Simon. Vous l'avez entendu parler, hein, très sûr de lui, de cette haute dimension qui lui permettra d'obtenir enfin son objet très spécial. Selon ses propres mots. Alors, vous avez décidé d'aller le chercher. Vous avez pris un peu d'équipement, quelques affaires pour les aventuriers que vous êtes, et vous traversez les rayons à la recherche de votre ami. Vous traversez ce long rayon de conserve, qui vous semble interminable. Il l'est d'ailleurs, peut-être. Ce qui vous semblait être un très long rayon commence à vous effrayer. Vous n'en voyez pas le bout, que des conserves à perte de vue, devant et derrière vous. Vous vous mettez à courir en espérant atteindre rapidement le bout. mais vous perdez haleine avant d'apercevoir une sortie de ce rayon de malheur. Vous avez à peine le temps d'échanger un mot que vous tous, vous êtes saisis par un bruit métallique, lourd et bruyant, qui est omniprésent. Ce bruit, vous l'identifiez bien assez vite. Il s'agit d'un escalator qui se trouve à votre droite. Un escalator plutôt plat, on pourrait plutôt parler de tapis roulant. Tout ce qui vous entoure est en train de s'éteindre. Chaque lumière de ce rayon s'éteigne jusqu'à vous atteindre. Vous foncez sur le tapis roulant, vous ne savez pas réellement si c'est un bon choix, mais quelque chose vous dit qu'être dans la lumière éteinte après un choix impossible. Enfin, excusez-moi, que rester dans la lumière éteinte est un choix impossible. Le tapis vous porte durant un long moment, le temps que vous reprenez votre souffle, et vous voyez une lumière au loin. Un piano synthétique très lointain se met à jouer. Vous êtes en train d'y parvenir. Vous allez enfin pouvoir trouver Simon. Et je vous demande, le temps que ce tapis vous mène à votre nouveau lieu, que faites-vous? Qu'échangez-vous? Dites-moi comment vous réagissez. De mon côté, je caresse Morgul et j'essaie de le déstresser parce que c'est un chien qui est quand même beaucoup trop, on va dire, gentil et candide pour ce monde de brutes. Et je me demande même pourquoi est-ce que je l'ai emmené là, finalement. Et ensuite, je jette un coup d'œil aux autres pour voir si tout le monde a l'air d'aller bien, est-ce que les gens ont l'air plus ou moins stressés ou pas, inquiets, à quel point. Quand tu poses tes yeux sur Joseph, tu vois en réalité qu'il regarde tout autour de lui, en fait, le regard qui est mêlé à une petite inquiétude, certes, mais surtout à une envie de comprendre tout ce qui se passe là-dedans et de creuser plus profondément. Quand tu parles de creuser plus profondément, je suis en train de me curer le nez. Voilà. De mon côté, je suis en train de tester sur la manuelle de ma lampe de poche pour voir si elle fonctionne toujours ou si elle est aussi perturbée par les lumières qui s'éteignent. Ok. Bon. Ta lampe de poche, au fur et à mesure que le tapis vous porte, elle s'allume. Et justement, vous arrivez à la fin du trajet. Vous arrivez sur une place. Alors, sur cette place, vous voyez en son centre une voiture qui sonne, très années 80. Une voiture rouge flashy et qui... tout simplement et sur un petit présentoir au centre de cette place. Et de là où vous arrivez, vous êtes juste dans un autre endroit d'un centre commercial. Un endroit avec actuellement un autre magasin, un coiffeur, un supermarché, un magasin du nom de l'œil magique, des articles de mariage et un magasin de cigares et cigarettes. C'est quoi l'œil magique? Magasin de magie. Bah, pas forcément, ça peut être un peu d'ésotérisme, une librairie. Ou bien un opticien. Voilà, c'est pour ça que je pose la question. En connaissant Simon, comme il n'est pas fumeur, moi je propose d'aller voir la supérette. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ouais, par contre, on est dans un cul-de-sac, ça me plaît moyen. Non, regarde, là-bas, il y a un couloir entre le coiffeur et le magasin de cigarettes. Ah ouais? Ouais, ouais. On vient pas de là? Okay. Non, on vient de... Dans? D'en face de l'œil magique qui par le tapis. Ok, d'accord. Tout à fait. En plus, j'ai envie de prendre des trucs, peut-être dans le supermarché. On va faire nos courses, pendant qu'on y est. T'as des sous? Pas vraiment. Moi j'ai rien. Vous pensez qu'on risque de croiser du monde? Quelle heure il est là? Je regarde ma montre. Tu regardes ta montre et elle indique 14h15. D'accord. Bah techniquement là, bref, on devrait trouver des gens. Y'a personne là dans le hall? Dans le hall, vraiment sur la place, non, il n'y a absolument personne. Pas âme qui vive. Les magasins sont ouverts quand même. Les magasins sont ouverts. Okay. Du moins au premier coup d'œil. Il y a de la lumière, il y a même des petits bruits de fond ici et là. Mais on ne voit personne ou on voit des gens? De là où vous êtes, vous ne voyez personne. Vous dites qu'en vous rapprochant, peut-être que les magasins révéleront ce qu'ils contiennent, mais c'est vrai que peut-être ça a l'air très opaque. Aux hôtesses de caisse, si jamais elles n'ont pas vu Simon déjà. Eh bien, oui. Du coup, je me dirige en direction du supermarché. Après, il cherchait quelque chose, donc peut-être que l'objet qu'il cherchait était en vente à l'œil magique. Ça pourrait valoir le coup d'aller faire un tour une fois. Ouais, moi, ça me tente bien de juste comprendre qu'est-ce qu'ils vendent. Bah oui, on peut y aller, oui, oui. C'est vrai que c'est intriguant. Très bien, vous commencez donc par le supermarché, si j'ai bien compris. C'est ça. L'œil magique, non ? C'est pas ça ? Plutôt le supermarché, mais avec la provision d'aller à l'œil magique juste derrière, si... Donc, tu fais le tour des caisses, c'est ça ? Tu fais juste le tour des caisses. Moi, je veux juste aller voir une hôtesse de caisse. Je sais pas si on a des téléphones ou pas. Eh bien, si vous aviez des téléphones avant d'arriver, en tout cas, ils ne sont plus sur vous à l'heure actuelle. De toute façon, j'en avais pas. Les téléphones, c'est pour les lambda. Mais il est où mon téléphone ? Il y a un pickpocket ? Ah, c'est pas moi. Je regarde. Ouais, mes parents, ils vont me défoncer là. Non, c'est le deuxième depuis le début de l'année là. De toute façon, les téléphones portables, c'est nul. On est à quel mois ? Nous sommes en février. D'ailleurs, pour être exact, vous êtes parti le samedi 13 février 2021. À 14h. C'était l'autre. C'était récent du coup. Non, mais l'autre, mais. Et il a pris l'eau quand je suis tombé dans la rivière. Mais t'as dit le faire tomber, on pourra toujours rebrousser chemin. Si quelqu'un le trouve, ils le déposeront. J'espère que c'était le cadeau de Noël. Aussi. Bah non, moi, les photos que j'avais, c'était sur mon téléphone, quoi. En pire, on vous le décrira, c'est pas grave, c'est pas un souci. Quoi qu'il en soit, vous avancez vers le supermarché. Pour aller voir les caisses, il faut malheureusement passer par une première entrée qui se trouve, elle, un peu plus loin. Le supermarché est énormément éclairé. Une fois que vous passez les premiers pas dedans, vous identifiez, ci et là, quelques personnes passées. Elles ont l'air d'avoir un pas très pressé. D'ailleurs, si quelque chose vous marque aux yeux, c'est que les produits qui vous entourent ont l'air très datés. Quelque chose un peu comme les jouets qu'auraient eu vos propres parents. C'est vieux. Par contre, tout est propre. Tout est absolument propre, tout brille. Hein. Mais vous n'y trouverez absolument aucunement les jeux que vous aimez. Pas de cartes Yu-Gi-Oh, pas de cartes Pokémon ou quoi que ce soit du genre. Uniquement des vieilleries qui semblent pas très intéressantes, mais qui malgré tout ont l'air de faire fureur, vu que la plupart des gens... leur course en cours. Je prends un paquet de bonbons et je regarde la date de péremption, ça met quoi ? Tu regardes le paquet de bonbons et tu vois que la date de péremption indique le 5 mars XX. Ouais, qui c'est qui veut les goûter pour voir ? Ah tiens, hop, je le mets sous ma veste. Moi j'écartille les yeux quand il fait ça. Et on n'a pas le droit de faire ça. C'est 2020, non ? C'est l'année 10, c'est l'année 20. Ça date du 10e siècle. Non, là, je regarde s'il n'y a pas d'autres trucs, genre pas aux réglisses, quoi, parce que je la connais. Je regarde un truc vraiment sucré qui pique. Ouais. Et je le prends, je le mets sous ma veste aussi. Et je dis à Joseph. On va se faire gauler avec quelques trucs. Non, ça va, Joseph, il va juste discuter avec la caissière et on repart. Moi, j'ai pas discuté. Attends, on n'a pas le droit de faire ça. C'est pas bien. Allez, il faut retrouver Simon, il faut aller questionner la caissière. Mais oui, mais c'est pas avec ça qu'on va retrouver Simon. Peut-être qu'un paquet de bonbons. Non, on ne sait jamais. C'est quoi le look des gens dans le magasin, du coup ? Quand tu regardes le look des gens, tu vois un look très vieillot. C'est-à-dire que même toi, tu vois, qui a cette culture un peu punk et tout, c'est même plus vieux, tu vois, que cette culture-là. À vue d'œil, tu dirais peut-être même années 40, 50. C'est vraiment les vieilles tenues comme on l'imagine. cliché américaine, hein, surtout. Donc les hommes. J'accoste une dame, je lui dis excusez-moi, vous l'avez acheté en quelle année votre jupe? Eh bien, quand tu l'accostes, tu vois qu'elle te regarde, elle te lance un regard d'incompréhension et puis sans s'arrêter, hein, toujours, continue son chemin, t'ignorant de nouveau. Ah bah d'accord, c'est pas la politesse qui les étouffe, quoi. Clairement pas. Tu la vois continuer dans le rayon, choper un truc, le mettre dans son caddie et continuer. Elle semble jamais arrêter sa marche. Excusez-moi, vous m'entendez, madame? Madame, t'entends une voix genre, du rayon derrière qui fait oui, et qui t'entends une canette tomber dans un caddie. Tu oublies le mot magique, mais... peut-être. S'il vous plaît, c'était une vraie question. Je voudrais offrir la même à ma mère. Eh bien, là tout de suite, pas de réponse. Les gens continuent de courir, les quelques personnes qui passent font pas vraiment en fait attention à vous, de manière générale. Et c'est... Je vais à la caisse en fait, moi je vais aller demander à la hôtesse de caisse, elle a pas vu Simon. De mon côté, moi j'avais récupéré les chaussettes de sport de Simon qu'il avait oublié dans les vestiaires la semaine dernière, et je l'ai fait sentir à Morgul en espérant le transformer en un chien de pistage. Ça fait partie de cette première atout. Non, lance-moi 2d6 s'il te plaît. 2 et 3, je m'en rappelle plus. Ah oui, bah non, du coup c'est 2 échecs. Ouais. Oui, il est con comme ses pieds, Morgul. Tu le fais sentir la chaussette et tu vois ton chien d'un seul coup se mettre sur ses pattes avant, redresser son cul et avoir la queue qui remue d'un coup. Il prend la chaussette dans sa gueule et tu vois qu'il s'allonge et commence à jouer avec. Je l'encourage, je lui dis allez, vas-y, cherche! Cherche! J'y crois. Je l'ai emmené quasiment. Je me bats. On va aller voir les hôtesses de caisse. Vous traversez du coup vraiment les devants de rayon sans vraiment rentrer dedans. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous tombez sur quelqu'un, celui-ci manque de vous écraser avec son caddie. Wow. Pourtant, ils ont conscience de votre existence. Hein. Clairement, ils vous regardent, ils peuvent vous répondre très rapidement, mais ils sont pressés, ils n'ont pas le temps. Et ça remplit des caddies de manière énorme, énormément de papier toilette, énormément de conserves, et ce genre de choses. Et bref, vous avancez. Beaucoup de caisses sont soit énormément occupées, c'est-à-dire avec une queue quasiment finissable, soit fermées. Il y a des magazines sur les... Oui, pardon. Vas-y, je t'écoute. Non, je voulais savoir s'il y avait des magazines sur les présentoirs de caisse pour jeter un œil un petit peu. Eh bien, il y a des magazines sur les présentoirs de caisse et c'est pas des magazines comme t'as l'habitude, tu vois. C'est pas les magazines qu'on trouve habituellement, un truc de cuisine, un truc, un closer, un truc comme ça. Ce que tu vois, c'est réellement un magazine d'un papier très de très faible qualité, tu vois, quelque chose t'as l'impression qu'il peut se digérer tout de suite et qui dit 10 conseils pour survivre à la catastrophe nucléaire. Ouais, bon ça la mythe on a l'habitude. Quelque chose de très vieux, voilà, avec un pin-up dessus. Voilà. C'est le genre de magazine qu'il y a. Il y a une date. Il n'y a pas de date dessus. Il n'y a pas genre magazine du 22 janvier. Y a pas de date. Est-ce qu'il y a un programme télé? Alors, il n'y a pas de programme télé du tout. Oh. Oulala. Bon, moi je m'éclipse et je me dis que bah, on va rien trouver ici en vrai. Mais par contre, j'ai les bonbons. Donc je vais m'éclipser et. Tranquillement, je vais vous attendre dehors pendant que je vais vous regarder Joseph, peut-être, s'il fait diversion, comme il l'avait dit. Mais... Je fais pas de diversion, moi, je demande vraiment où est Simon. Du coup, j'ai marre l'hôtesse de demande caisse. Demande à ton chien de faire son tour là avec la chaussette. Ça fait diversion, ça. Eh bien, bon, allez, je laisse mon rat courir sur le tapis, peut-être roulant, je sais pas qui roule. Ton rat a... Tout à fait. Ça ne roule pas. Toi, de ton côté, tu es le seul à ne pas être nommé Kylian. Ouais. Ah non, tu n'es pas le seul. Vous êtes deux. Kylian, tu t'éclipses, tu remarques que personne ne fait vraiment beaucoup attention à toi, donc c'est le moment vraiment de passer. Quoi. Je veux dire, il n'y a pas de sécurité, ce genre de choses, donc c'est le moment ou jamais. Et de votre côté, pour ceux qui restent dans le magasin à la recherche justement d'une dame de caisse pour pouvoir lui demander si elle a vu Simon, bah vous allez pouvoir être servi puisque, comme je disais, il y a une des caisses qui, elle, était ouverte et vous y voyez une dame coiffée vraiment à l'ancienne. On est vraiment dans les stéréotypes des années 50, hein, ça enferme là-dedans et c'est, vous savez, la coiffure un peu carrée mais qui un peu rebondie, un peu volumineuse. Et... Exactement, la fameuse, et qui a un visage un peu triste lorsque vous l'approchez. Je lui dis, excusez-moi madame de vous déranger, mais on cherche notre ami, pourquoi il s'est perdu ici? Vous l'auriez pas vu par hasard? Je sais pas, est-ce que vous pouvez m'aider? J'ai eu un problème. Ah bon? C'est quoi votre problème? J'ai peur que mon patron m'engueule. Vous voyez, là, sur le tapis, énormément de billets a été laissé par un des clients, mais il n'est jamais revenu. Je ne peux pas l'encaisser si le client ne vient pas, mais je ne peux pas le laisser là, je ne peux pas prendre de client. Vous voulez qu'on aille chercher le client? Bon, sinon, on peut ramasser les billets, comme ça règle le problème. Si vous voulez. On peut lui ramener les billets, sinon. Je veux juste pouvoir récupérer ma caisse et moi je ne peux pas les encaisser. Vous pouvez soit aller chercher cette personne, soit prendre les billets. Non mais on va prendre, vas-y Gek, ramasse les billets. Je prends les billets. Bon, bah, on va essayer de le retrouver madame. Vous voyez qu'à chaque fois vous faites un mouvement. Ah pardon, vas-y. Est-ce que vous auriez un objet qui appartenait à ce client? Je pourrais lui faire renifler les billets à mon chien si vous voulez. Eh bien, ces billets lui appartenaient. Je prends une liasse de billets, je les fais renifler à ma orgule. Refais-moi 2d6. On va les bouffer, on sera bien, tiens, on aura perdu la thune. Double 6. Oh. Eh bien, tu vois que il aspire l'odeur, il renifle. Mais cette fois, ne se met pas en mode jeu comme tout à l'heure avec la chaussette, mais tout simplement semble couiner envers une direction. Et de là où vous êtes, il semble couiner en direction de la place et pourquoi pas vers le couloir qui se trouve dans la place. Il est parti par là. Je suis Morgul, du coup, je suis la direction qu'il indique. Alors, pour l'instant, il part pas, il refixe juste et en fait, il vous regarde, voir si vous êtes prêt à le suivre. Moi, en tout cas, oui. Bah, je lui emboîte le pas. Oui, bah, allons-y, de toute façon, il est nul ce magasin. Moi, j'ai les bonbons déjà dans la bouche. Hein. T'as pris de la régule, t'as pris des cachous? Ah, les cachous! Ah, mais j'adore ça en plus, en vrai. Mais mon personnage, non. Vous partez de là, vous voyez que du coup, enfin, à chaque fois que vous avez pris des billets, le visage triste de la dame devenait de plus en plus heureux, mais vraiment de manière mécanique. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous preniez des billets, le sourire augmentait d'un certain pourcentage. Et quand vous partez, même si du coup elle n'a pas répondu à votre question, elle vous fait des. Un signe de la main pour vous saluer avant que sa caisse soit à nouveau remplie. On revient vite, madame. On va le trouver. Qui ? Enfin, comment vous... Enfin, juste petite question minuscule, mais qui... Comment vous... Je refais, excusez-moi. 1, 2, 3. Comment vous divisez les billets ? Est-ce qu'une personne les prend dans son sac et puis on n'en parle plus ? Ou est-ce que vous êtes en mode on se partage ? Sachant qu'il y a une quantité... vraiment énorme de billets, de quoi remplir vraiment à sac entier. Oula, bah moi j'ai une liasse dans la main et puis le reste je m'en préoccupe pas trop. Ouais, moi je peux prendre un peu de monnaie mais l'argent c'est nul, mais si ça peut débarrasser. Bah je prends le... J'avais pris une partie moi aussi donc voilà. On va juste le partager en trois, on part à peu près équitable, quoi. Ouais, et après, si ça prend trop de place, on le laisse dans une poubelle, hein. Et les billets, ils ont l'air vieux, ils ressemblent à quoi, en fait? Alors, ce sont des billets avec dessus écrit un énorme C et des valeurs qui varient entre 50 C, soit 100 C, 150 C, 200 C. Il semblerait que la monnaie ici soit ce fameux C. Ça, ça doit pas être chou. Des clopinettes. C'est trop mignon. D'accord. Moi, j'ai pas d'argent. Je te demande aux autres, là. T'as des bonbons? De toute façon, c'est pas nous. On va retrouver le monsieur, là, et lui repasser. Je file les bonbons que j'ai piqués à Ambre. Parce que moi, je les aime pas, donc... Franchement, t'es difficile. Ouais, enfin, c'est toi qui as des coups de chiottes, comme dirait mon père. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Tu sais où, tu vas aller me voir les chiottes de près, ouais. Moi, bon, je prends le paquet, je le mets dans mon sweat à capuche. Ah, le sweat à capuche, ouais. Si mes souvenirs sont bons, je vous laisse me dire si vous voulez faire autre chose, mais histoire de continuer votre petite recherche, vous allez donc vers le magasin de l'œil magique. Bah, le chien, il disait quoi? Parce que ah oui, c'est ça qu'il y a le chien, c'est vrai, j'avais oublié, donc au choix. Vous avez... Le chien, lui, par contre, en fait, va vraiment en direction du couloir qui vous fait quitter la première place. On peut peut-être jeter un œil à l'œil magique avant, mais faudra qu'on se dépêche après pour aller dans le couloir. Ouais, on va jeter un œil magique. Ok. Eh bien, vous approchez de ce magasin. La grande porte, qui est une porte assez spéciale, puisqu'elle a une forme très ovale, mais qui rentre un peu en elle-même, un peu pour les gens qui, d'entre vous, les jeunes qui aiment les RPG, un peu comme une porte d'Oblivion en termes de forme. Et dessus, il y a une petite écriture, une écriture en bois, sur laquelle il est écrit la chose suivante. Ce magasin vend tous les livres Magic Eye du futur. Tout leur dérivé. C'est quoi ça? Les livres Magic Eye. Exactement. L'œil magique, finalement. C'est peut-être un jeu. Mince, moi j'ai arrêté mes cours d'anglais. Je comprends pas. Bah écoute, moi je passe dans les rayons. Il ressemble à quoi le magasin à l'intérieur? Okay. Vous rentrez à l'intérieur. L'intérieur, c'est vraiment une bibliothèque, si vous préférez, mais une bibliothèque pas vraiment bien rangée, vous voyez, plus une bibliothèque où on entrepose les livres à gauche, à droite, et à la fin, ça fait des piles de livres plus ou moins esthétiques, plus ou moins jolies. Et les livres, ce que vendent les articles, c'est des images, ce sont des livres, même des cartes postales, et vous y voyez surtout des versions distordues de peintures classiques, vous reconnaissez... cette peinture là qui vous énerve, vous la voyez tout le temps en cours de Picasso là. Je peux peut-être la trouver. Guernica. Guernica. Exactement. Eh bien, vous la voyez, mais avec des perspectives totalement différentes, ce qui est déjà un exploit d'avoir changé les perspectives d'un tel tableau, mais aussi des couleurs totalement différentes. Et d'ailleurs, si vous attardez sur celle-là ou même sur n'importe quelle, vous avez toujours l'impression qu'en fait, il y a dans cette image, ce livre, tout, peu importe, dès qu'il y a une image, j'ai toujours l'impression qu'il y a une autre image à l'intérieur. Comme si les deux... Est-ce que je peux analyser la peinture? Eh bien, tu peux, c'est vrai que toi, tu as un intérêt pour l'art, donc tu me fais 2d6, hein, s'il te plaît. J'ai fait 1-5. Parfait, c'est bon. De toute façon, à partir du moment où il y en a un, ça suffit. Tu observes et tu notes que non, en fait, c'est une impression. C'est juste que voilà, ça a l'air d'être une repeinture, une revisitation. Oui, tout à fait, bien sûr. Bref, une revisitation, selon un langage d'enfant. Une revisite, tout à fait. Et on va dire une revisitation par jusqu'au bout. Et de simplement de l'œuvre qui fait un produit un peu étrange, mais par contre, toi, tu es sûr. sûr, c'est qu'une seule image, quoi, c'est rien de spécial. D'ailleurs, pour ceux, pendant que toi tu regardes ça, pour les autres qui regardent un peu les rayons, etc., vous voyez que tout au bout, il y a un petit comptoir où se trouve un monsieur droit, vraiment, avec une petite moustache, un visage très allongé, un peu cliché de majordome, par exemple. Ça sent le vieux livre dans la pièce, là ? Ouais, ça sent le vieux livre. Ok, off. Oh. Bon, moi, je peux... c'est quoi l'œil magique, en fait ? Justement, j'allais lui demander, moi, ouais. Ce que c'était, ces livres Magic Eye. Ouais, c'est quoi Magic Eye ? Bonjour, je suis désolé, j'ai eu un problème et les livres Magic Eye ne fonctionnent plus. Si vous repassez plus tard, je pense que j'arriverai. Je suis désolé, vous n'arrivez pas au bon moment. Comment ça, il fonctionne plus ? Un livre, c'est un livre ? On l'ouvre et on lit. Non, mais tu sais, il y a les livres comme ça où quand tu regardes, t'as des effets et au bout de 5 minutes, t'as envie de dégueuler. Oh, je les connais pas, ceux-là. Moi, non, il m'a acheté. Mais si, avec les effets d'optique et tout, c'est peut-être des trucs comme ça. Ah, là où ça bouge ? Genre ouais, des... voilà, ça bouge pas, mais ça bouge, tu vois. Ça fait des... C'est genre des spirales et tout. C'est comme ça ? Ouais. Ah. Ouais, vous connaissez, du coup, est-ce que vous avez vu un gamin comme nous, Simon, il s'appelle ? Je ne pense pas, mais si vous revenez plus tard, je pourrais peut-être vous aider. Mais à quelle heure ? Je ne saurais dire. Plus tard, si on se recroise. Mais ils servent à quoi, ces livres, en fait ? Ouais, et ces peintures cheloues, et vous, en fait, parce que vous êtes ouvert, mais vous faites... Enfin... Oui, écoutez... Je vais dire. Si c'est pas, ça marche pas. J'ai eu un souci. Revenez plus tard, vous comprendrez à quoi servent ces livres. Vous pouvez pas l'expliquer, juste, en fait. Il y a quoi dans votre... Les ça, livres Magic Eye... une technologie très avancée du futur et je ne peux pas pour l'instant si je vous le dirais vous ne me croirez pas donc revenez du plus futur, tard comment ça oui, connerie du futur comment ça du futur oh et eh bien c'est un arrivage qui vient de longtemps en avant laissez-moi deviner c'est l'année LC. Je ne comprends pas ce que vous essayez de me dire, mais revenez plus tard, je vous promets que ça vaudra le coup d'œil. Mais je comprends pas. Comment ça, longtemps en avant ? Ils ont été livrés par FedEx ? Des étagères et je le consulte pour voir ce qu'il y a dedans. Tu ouvres ? Est-ce que déjà, il y a la couverture où il y a marqué Magic Eye ? C'était tous, c'est ça ? Ouais, c'est ça. En gros, c'est que des livres Magic Eye. Et quand tu ouvres, en fait, il y a un... pas un chargeur ou un truc comme ça, enfin, un débranchement, des trucs. Tu regardes, alors y a rien à brancher. Par contre, il y a un texte qui semble comme éteint sur le livre et des images qui, comme je l'ai dit, hein, ce petit effet d'impression de double tableau. Ok. J'essaie d'orienter ça au niveau de la lumière, au haut de la pièce, voir si ça fait quelque chose. Tu mets ma lampe de poche dessus pour voir. Tu allumes, tu observes, mais non, il ne se passe rien de particulier. Vous voyez, vous entendez encore marmonner le vendeur. Revenez plus tard, je ne peux rien faire pour l'instant, je suis désolé. Putain, il est nul ce magasin, on se casse. Oui, bizarre le gars. Hein. Vous avez de la chance que j'ai pas envie de faire caca parce que là, vous méritez. Oui, Non, Yann. Bah allez, on s'arrache. Le chien avait une piste. Hein. De toute façon, il n'y a rien à faire. Ouais, allons-y. Ouais, suivons le cas du chien. Ok. Eh bien, vous quittez ce magasin et vous vous dirigez du coup dans ce couloir. Exactement. Laisse-moi finir mes phrases. à l'issue de ce couloir. Vous arrivez sur une nouvelle place. Une place différente. Je pense que le vendeur y picolait, de toute façon. Possible. C'est fort probable. Et donc... Mais il y a encore un magasin. Vous pouvez donc noter que cette place est totalement différente de l'ancienne. C'est-à-dire que là où c'est un présentoir pour un automobile, là il s'agit d'une place pipi room, dans lequel se trouvent des petites toilettes individuelles dans lesquelles vous pouvez rentrer et faire vos besoins en besoin. En dehors de ça, vous pourrez remarquer rapidement que cette fois, il y a beaucoup plus de couloirs. Vous en voyez deux, de là où vous êtes. Un qui se situe à votre gauche et un à votre droite. Et trois magasins, dont, encore une fois, le magasin L'Œil Magique. Un coiffeur. Et on va voir si ces mûris sont cassés. Des magasins de sport d'hiver. Qui sont bons, hein, ouais. Voir si c'est cassé chez lui aussi ou si c'est juste l'autre qui a picolé. Ah, c'est marrant, ça, c'est pas la même boutique qui communique, c'est une autre boutique encore. Ils en ont ouvert une deuxième juste à côté. Ouais. Ouais. Vous y allez ? Ouais, bien. Grave, on va voir. Et c'est, ça se trouve, c'est le même mec dedans. Eh bien, tu rentres, vous retournez et il y a la même chose, la même porte, avec les mêmes écriteaux, avec la même forme. Vous rentrez. Il y a les mêmes livres, les mêmes images. Il y a une chose qui change. Cette chose, c'est que maintenant, en plus de ça, sur tous les livres, etc., il y a plein de billets de banque, encore une fois, avec ce fameux « écrit-tu ». Il y a vraiment le magasin déborde de billets de banque. Par contre, il y a... Non, t'inquiète. Il y a le même présentoir avec le même homme exactement... au sourcil près, qui se tient droit comme un i. Bonjour. Bonjour. Quelle est donc cette sorcellerie ? Eh bien, vous êtes revenu et j'ai le plaisir de vous annoncer que, même si ce n'est pas encore réglé, nous avançons sur la bonne voie. Moi, je glisse directement derrière le comptoir pour voir s'il y a une prise sur le mec. Alors, tu glisses derrière le comptoir et je vais faire un jet. Bouge pas. Je longe juste. Hein. Je glisse un œil oui, pour voir s'il y a un câble derrière. Hein, ouais. Je passe derrière le comptoir. Ce n'est pas pour toi, c'est pour moi. Moi, je regarde. Il a l'air énervé ou pas. Souvent, il est pas à l'aise quand les gens sont mal intentionnés. Ambre, tu fais le tour, du coup, tu glisses. Et il y a quelque chose qui te marque sur cette personne. Alors, il n'y a pas de prise ou quelque chose du genre. Par contre, tu te cognes en fait un peu contre lui en glissant, parce que tu as voulu juste passer et un peu mal contrôler. Et il est dur comme de l'acier. D'accord. Donc ça fait bong. Ouais, ça fait bong, littéralement. Ça zone un peu. Il a pas l'air plus gêné que ça de ce qui vient de se passer. Et pour répondre du coup à Alex, ton chien, Morgul, pour l'instant, tu vois, il a l'air de l'ignorer en fait. Genre, il est pas intéressé comme quand il rencontre un humain, mais il est pas non plus. Il l'ignore. Je fais hop, désolé, je lui tapote la veste. Est-ce que la veste elle est dure aussi? Pour faire genre, je remets en place un petit peu, je vous ai pas froissé. Eh bien, tu tapotes, et effectivement, la veste est complètement dure. Ok. Je recule gentiment en glissade. Tu recules, tu retournes au niveau de tes amis, et tout ce qu'ils trouvent à dire, c'est... Mais, n'hésitez pas, regardez donc, je vous dis que, même si ce n'est pas encore réglé, vous serez content de voir que ça a évolué. Bah, on viendra peut-être quand ça ne sera pas cassé complètement. Soit. En espérant vous revoir très bientôt dans ce cas. Du coup, je lui tourne le dos et je regarde les autres et je fais des... avec la bouche et les doigts. Mais... Les autres, j'essaie comment vous réagissez ? Le mec, il est tout dur, il est en métal, quoi. Je comprends pas trop ce qui se passe. Et quand je la vois partir, en fait, je la suis. Ok. Vous sortez de là. Vous retrouvez sur cette place, entouré de toutes ces toilettes. Vous pouvez parler librement, la porte se referme derrière vous. Putain, non, mais le mec, c'est pas un vrai. Non, ça, comment c'est ça pas un vrai. C'est pas un vrai gars, c'est un mec en métal, quoi. C'est un espèce de cyborg ou je sais pas quoi. Ah, ça doit être un. un faux, un genre d'automate. C'est pour ça qu'ils se ressemblent autant. Ça peut être une opération commerciale ou quelque chose. Mais c'est-à-dire, du coup, on peut voler les livres, ils pourront pas nous courir après. Si jamais on... Ouais, ça y est, ils lancent peut-être des lasers avec les yeux à ce stade-là, tu vois, putain, c'est trop chelou. Non, il doit y avoir un vrai garde du corps ou autre qui doit être caché. Ça doit être une opération commerciale, peut-être. Mais peut-être, je sais pas si ça pourrait avoir avec la disparition de Simon. Peut-être que c'est le livre magique qu'il était venu chercher. Ça se trouve, il est peut-être dedans. Ouais. Comme dans Doctor Who. On pourrait peut-être essayer de retrouver d'abord l'autre client. Peut-être que lui, s'il est parti en laissant tout son argent à la caisse du supermarché, peut-être qu'il sait quelque chose. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond ici. C'est peut-être pas le même gars hein, qui a laissé des billets dans tous les magasins. D'ailleurs, du coup, où est-ce que Morgul indiquait la direction cette fois ? Je vais demander un petit jet, 2d6 toujours parce qu'on passe par Morgul, pour voir s'il continue à suivre la piste. Donc 2d6, hein, c'est bien ça ? Tout à fait. 4 et 4, dommage. Ouais. Tu vois que là, il est perdu. Il regarde avec insistance les deux couloirs et le magasin de sport d'hiver. Non, mais c'est les toilettes, ça pue, ça doit lui boucher les narines. Hein. Peut-être qu'il a ça, tu vois. Comme un bouffe. Sinon, on peut tenter la boutique de sport. Ouais. Sport d'hiver. J'ai l'air de la regarder en tout cas. Ouais, bah. Peut-être que le gars est parti s'acheter un blouson. Ouais, tu fais France. Est-ce que Simon est parti acheter un blouson ? Aussi. Allons-y alors. Vous vous dirigez du coup vers le magasin de sport d'hiver. Vous donc arrivez au niveau des vacances, enfin du magasin de sport d'hiver où ici il y a tout ce qu'il faut. Vous rentrez dedans, c'est un magasin assez classique, il y a tout, il y a de quoi skier, il y a de quoi aller en montagne, de quoi, enfin vraiment le truc assez classique, il y a des raquettes pour la randonnée, ce genre de choses. Quand vous rentrez, vous remarquez que déjà il y a un bruit assourdissant à cause d'un train miniature qui parcourt le mur en continu. Passe son temps et vous le voyez passer de gauche à droite. Le magasin est assez petit, hein, vous voyez entièrement tout ce qui se situe à peine en rentrant dedans. Mais vous voyez pas que ça, vous voyez aussi un groupe, hein, tout un groupe, hein, qui est autour du comptoir et qui chuchote. Je m'approche hein, du comptoir. Du coup. Vous approchez. Pour montrer que vous êtes là. Vous voyez que les gens continuent de chuchoter entre eux et il y en a même un qui, sans vraiment faire gaffe, se retourne vers toi et fait « Et toi, qu'est-ce que t'en penses ?» Tu vois, je réfléchis et je reprends mes esprits en lui demandant « Non, non, mais on est là parce qu'on cherche un ami, un de nos amis, Simon. Vous voyez comment il est ?» Vous voyez, enfin, je lui ai été tué par le Yeti, c'est ça. Le quoi ? Le Yeti qui est dans le magasin. Quoi ? Y a un Yeti en liberté dans le centre. Mais c'est quoi ? C'est peut-être lui qui a tué votre ami. Je me tourne vers les autres, il raconte quoi ? Il est fou ? Moi, je te fais un signe de fumette. Ah. Mais non, mais ça n'existe pas, les Yeti. Mais c'est quoi, Yeti ? Un Yeti ? C'est... T'as jamais lu Tintin ? Non. C'est quoi, Tintin ? C'est quoi, Tintin ? Si tu veux, c'est une grosse bestiole, un gros singe qui en fait habite, enfin qui habite dans des montagnes. On dit que c'est comme ça. Et en gros, bah si t'as envie, il enlèverait les gens qui montraient dans les montagnes, genre l'Himalaya, tout ça. Bah, les singes, ça mange pas des gens, ça mange des bananes. Ouais, c'est un singe, c'est... T'es l'air c'est pas. Un singe. Je te dis que le type a l'air fou, il parle d'un truc que je comprends pas, donc c'est bon, hein ? On n'est pas en droit de savoir qui est Tintin. Bon, et Vous entendez une petite voix s'élever derrière vous, dire vous devrez vous méfier, les enfants. Le Yeti existe bel et bien. Et qui nous parle ? Vous vous retournez et vous voyez un mannequin de magasin, vous savez, sur lequel on met les vêtements, ce genre de choses, qui est actuellement déchiqueté de partout. C'est-à-dire que le bois est parti en volée et vous le voyez récupérer des équipements pour tout simplement s'occuper de son propre bois. Mais t'es un truc en bois, toi ? Ah, je vous prie. Ce n'est pas parce que j'ai été conçu que je ne suis pas un humain, moi aussi. Je me présente, je m'appelle Charles-André de Roquebeuf. C'est toi ? Cet accent, là. Et puis encore, vous avez été conçu par qui ? Par le centre. Mais le centre ne peut pas nous obliger à vivre tels des objets. Nous, mannequins, nous sommes libres. Et nous méritons toute l'attention et tous les sentiments. Et tu l'avais pas vu, Simon, un gars sportif comme ça, avec les cheveux comme ça ? Bien, c'est une excellente question. Voyez-vous, je pense que vous devrez chercher votre ami dans les niveaux inférieurs. Pourquoi ? Eh bien, parce que les niveaux inférieurs sortent des magasins. Vous y trouverez parking, d'autres choses de ce genre, et il me semble avoir vu un petit enfant de votre âge passer par là. Parce que je suis certes un mannequin, mais j'ai une mémoire, j'ai des sentiments, et je suis prêt à aider des enfants qui en ont besoin. Quelle heure est-il ? Je regarde ma montre. Non, tu pas regardes toi, ta montre ? Chut ! J'ai fait chute ! J'attends de voir le mannequin pour savoir s'il ment. Non, mais c'est pas possible, il y a quelqu'un dedans, c'est sûr, c'est... Je pense qu'il est 14h et 25 minutes, peut-être. Je regarde ma montre. C'est faux. Il est 14h et 25 minutes. Et tu remarques d'ailleurs que, en le regardant ta montre, en fait, ce qui te choque, c'est que tes secondes ont l'air d'énormément retardées. C'est-à-dire que... Le temps que tu regardes ta montre, la seconde n'a pas avancé et c'est au moment où tu allais finir d'arrêter que tu vois enfin faire un mouvement. Bah, t'as tes yeux sur ta montre, bon. On voyagera dans le temps. Mais ça fait une heure qu'on est là déjà. Quoi ? Bah ouais, mais ça fait une heure. Je sais pas, on dirait que le temps il s'écoule pas pareil, quoi. C'est trop bizarre. Ouais. Et t'as parlé du Yeti, Charles. Tu as parlé du Yeti là. Qu'est-ce que c'est ? Le Yeti existe bel et bien. C'est un monstre des neiges. Il a été attiré par la montagne que représente cette boutique et je l'ai vu passer. Ce n'est pas lui qui m'a fait ces dégâts, non. Ce sont de vulgaires pillards, des humains qui ont moins de cœur que nous, les mannequins. Je suis peut-être un mannequin, mais j'ai du cœur. Je n'agresse pas les gens. Oui. Mais du coup, le Yeti, pour revenir, il tue des gens ? Enfin, tu l'as vu tuer ? Oh, je ne l'ai pas vu tuer, mais c'est un Yeti. Il est affamé. Je vous déconseille de croiser sa route. Bon, bah si visiblement c'est ce magasin qu'il aime, on va sortir. Comme ça, on est tranquille. Moi, je vais aller voir les gens qui chuchotent. Passer un client sans son argent, ou qui aurait perdu son argent. Ou qui perd son argent. J'ai perdu mon argent. J'étais à un supermarché et je me suis fait agresser par de vulgaires pillards. Il y avait moins de cœur que nous, les mannequins. Je lui donne quelques billets, l'alias que j'avais en main. C'était à vous, ça ? C'est marqué C. Ce ne sont que des billets. Je ne peux pas savoir si ce sont les miens, mais si vous l'avez trouvé à la caisse 23 du supermarché... ce sont les miens. C'est mon gueule, il vous a flairé avec votre odeur sur les billets. Oh, quel bon chien. Voyez, parce que c'est pas parce que je ne suis un mannequin que je n'ai pas une odeur qui est propre. Ouais, mais c'est pas parce que t'es un mannequin que tu vas pas nous récompenser pour rapporter ton argent, non ? Tout à fait, parce que en tant que mannequin, j'ai du cœur. Et je trouve que des enfants comme vous le méritent, alors. Prenez la moitié de mon argent, j'en ai pas besoin de plus. Qu'est-ce qu'on peut acheter avec ça ? Oh, plein de choses, je suis heureusement très riche. Mais c'est quoi, c'est ? C'est le centre, c'est là où nous nous situons. C'est l'argent du centre. Vous pouvez pas avoir des euros comme tout le monde. Ah, mais ici, je ne connais pas votre monnaie, mais ici, nous fonctionnons avec l'argent du centre. Et le cours du bitcoin, c'est dommage. Bon, bah écoute, merci Charles. Je vais déjà aller à l'œil. La boutique magique. De... magique. L'œil magique ? Oh, je n'y suis pas passé, non, mais je veux dire que ça m'effraie, toutes ces technologies du futur. Les livres ? Non, les œils magiques. Et... très bien. Enfin, je vais pas poser plus de questions. Du mannequin, non ? Enfin, pourquoi vous cachez comme ça ? Comment ? Oui, pourquoi vous vous déguisez ? Le Yeti, on est d'accord, c'est pas un vrai Yeti, c'est quelqu'un qui se déguise, non ? C'est comme un événement. Ce Yeti est aussi véritable que moi, je suis un mannequin. Avec un cœur. Ok, oui, bon. Bon, les gars, je pense, quand on se retourne, je leur dis, moi, je pense que c'est une espèce de... On dirait qu'ils ont organisé tout un truc dans le supermarché aujourd'hui. Un événement ? Ouais, comme un... Il y a mon oncle qui faisait ça, une espèce de d'escape game grandeur nature, peut-être. Peut-être que c'est pour ça que Simon est venu là-bas. Peut-être qu'il est dans le coup, d'ailleurs, je sais pas, mais... Vous voyez, tout le monde se déguise et puis on nous met des petites mises en scène, on dirait. Parce que bon, le coup de l'œil magique, c'est quand même un peu étrange, je trouve. Écoute, moi, je crois que ce que je vois, c'est un mannequin bizarre qui a l'air de nous avoir donné un sacré paquet de trucs. Il doit y avoir un type dedans. Hein. Moi, je vais aller voir les humains là, qui chuchotaient entre eux. Écoute, tu jetais son... Ah, mais c'est pas possible. Mais on peut pas l'attaquer. C'est lui qui va nous avoir. Il y a un responsable du magasin, ici. Tu vois qu'il y en a qui se tournent. Non, il est parti. À la chasse du Iti. Quoi ? Il a disparu. On pense que le Iti l'a tué. C'est pour ça, il faut qu'on décide ce qu'on fait. Et vous chuchotez pourquoi ? Parce que c'est dangereux. Non. Très bien, mais je vais peut-être vous laisser, moi. C'est... Vous êtes allé voir l'œil magique par hasard ? Non. Non ? On peut pas nous aider à chasser le Iti. Avec leur technologie du futur ? Et là, je souris, tu vois. Peut-être. C'est pas ce qu'il nous faut, il nous faut ça. Il nous faut le piéger. Je sais pas ce que t'en penses. Ça, c'est qu'il a ses frettes de Scooby-Doo. Faut qu'on fasse un piège. Moi, je vais retourner voir mes potes, en fait. Hein. Vraiment, celles-là, ils sont bizarres à chuchoter. Hein. Du coup, moi, je pense que si jamais on trouve le Yeti, on va gagner un lot. Non, on n'est pas là pour ça, on est là pour trouver Simon. Bah, peut-être que c'est en rapport avec Simon. Peut-être que Simon, il est venu ici pour trouver le Yeti et gagner le lot. C'est peut-être mais ça. Mais machin en bois, il nous dit qu'il est au sous-sol. Ouais, mais attends. C'est peut-être un indice pour trouver le Yeti, mais il y a peut-être d'autres indices dans la boutique maintenant. En tout cas, on pourrait. Non, c'est pas pour trouver le Yeti, c'est pour trouver Simon. Il dit qu'il l'a vu en bas. Oui, bon, il a dit qu'il l'a vu aussi. Il est venu ici parce qu'il savait qu'il y avait un concours, un événement, et qu'il, lui, il cherche le Yeti aussi pour gagner un lot ou quelque chose comme ça. Bon, moi, j'ai envie de dire, on sort du magasin et on essaie de trouver les étapes inférieures. Justement, il y a une chose, toi qui t'approchais des gens et du comptoir, c'est que derrière le comptoir, tu remarques qu'il y a un couloir, mais pas creusé, hein, juste un couloir qui a été construit qui part du magasin. Ce qui fait que tu sais qu'il y en a deux dans la place et un dans ce magasin. Par où il faut prendre pour aller, je redemande au gars en bois là, pour trouver l'ascenseur, pour aller pour aller au sous-sol? Ah, je sais pas. Des fois, il y a des escalators. Visitez les places, vous en trouverez. Je n'ai pas eu le temps de beaucoup marcher, malheureusement. On préfère agresser de pauvres mannequins comme moi. Bon, en tant que mannequin, t'es déjà peut-être allé chez le coiffeur. Et il fait quoi là-bas? Bien, il coiffe. Tu viens d'aboyer. Il coiffe. Ah, j'entends du coiffe. Il coiffe. Ouais, il vend des perruques. Il fait plein de choses. Ouais. Ouais. Joseph, ça te dirait une petite coupe? Ben non, moi je suis allé chez le coiffeur il n'y a pas longtemps là. Besoin? Toi, t'en as besoin? Non. Bah alors, voilà. On peut te faire une coupe un peu plus... Bah, très bien, coupe, qu'est-ce qu'elle a? Tu vois, je fais des signes, comme ça. Il faudrait que je fasse une couleur, ça? Eh, j'aimerais bien essayer une couleur. Eh bon, les parents, ils veulent pas, quoi. C'est chiant. On a t'as de l'argent, tu peux? Non, mais... mon père, il va me tuer si je rentre avec une couleur. Bon, il peut aimer les betteraves, c'est pas un problème. De couleur violette. Ah non, pas violette. Mais t'es fou, toi. Non, ouais, est-ce qu'on a vraiment le temps pour ça, les gars, là? Tu peux faire une couleur, faire une autre couleur derrière, la même que t'as maintenant, et ton père, il verra. Ouais. Bon, on va quitter le magasin et on va se décider à l'extérieur, à la place. Moi, faut juste ouais. Tout à fait. Pipi un coup, et puis après, on peut y aller, si vous voulez. Ok. On t'attend. Maintenant, tant qu'il y a des toilettes. Ouais, c'est le vrai, temps qu'il aille pisser, je vais me poser avec ma guitare pour m'occuper un peu. Ok. Bah, étrangement, tu vois que Kylian n'y va pas aux toilettes. Il se retient pour un événement plus tard. Bah, il y a Joseph qui va aller aussi aux toilettes. Ok. Vous prenez un petit moment de pause. Ce qui fait un peu du bien, mais ça va, vous n'êtes pas si fatigué que ça, donc... Retrouver après. Et du coup, dites-moi de ce que vous voulez faire par la suite. Est-ce que vous allez voir le coiffeur par curiosité? Est-ce que vous prenez un des chemins? On prend à droite. Il faut qu'on trouve les escalators, les ascenseurs. Ouais. Bah, je vais quand même demander vite fait au mannequin avant de repartir s'il sait où sont les escalators. Mais non, il a dit qu'il sont. Non, il a dit qu'il ouais. Il a dit qu'il savait pas qu'il fallait trouver des places. Donc, passer par des couloirs et. Ah oui, oui. Par contre, moi, le coiffeur, je suis quand même curieux. Bon, après, bon. Peut-être qu'on peut lui demander si lui sait où sont les escalators. Mmh. Ouais, le coiffeur, il peut peut-être savoir. Tu sais, parce que généralement, il peut coiffer le mec dans la boutique de magie, il a pu lui expliquer c'est quoi son truc du futur, quoi. Mmh. Ou quoi même, pour venir au boulot, il prend une voiture. Un mannequin, ça n'a pas de voiture, enfin, il... On va chez le coiffeur ou pas? Bah oui, moi je veux bien. Moi je regarde le couloir entre le coiffeur et l'œil magique, on voit ce qu'il y a au bout ou pas? Non, malheureusement ce sont des longs couloirs et il vous faudra les traverser avant de savoir ce qui se trouve de l'autre côté. Bon, en vrai, on peut aller prendre le couloir et revenir, hein, c'est pas ça le problème. Ouais, c'est vrai. Oui, tout à fait. Les couloirs restent ouverts. Quel couloir alors? Que fait bah, celui de droite en haut là. Pas celui d'en face. Hein. Ouais. Moi j'étais plutôt chaud celui de l'arrière-boutique, de la boutique de sport d'hiver. Ouais, c'est chelou. Ah oui. Bah, on tombait sur Yeti hein. En plus, ouais. Ah non, ils sont frappés là-bas. Bon, hein. Yeti, je lui donne un coup dans les jambes, il est à terre. Et ça. Pas trop. Il n'y a rien de drôle, hein, c'est vrai. Ouais. Que faites-vous? Et toi, Alex? Moi, je sais pas trop. J'avoue, je comprends pas trop. ce qui se passe. J'ai l'impression qu'on est arrivé en plein milieu d'un jeu de pistes, mais on nous a pas introduit les règles ni rien. Moi, ça me semble trop chelou pour que ce soit un jeu de pistes. Ah, tu veux que ce soit quoi? Je sais pas. Il y a un mannequin qui parle. Mais il y avait un type dedans, ou alors c'était un robot comme l'autre. Y a pas un plan du mol sur les murs des toilettes, par exemple? Genre, absolument pas. Avec un... Absolument ouais, genre... pas. Il est mal foutu, ce mol, quoi. Ouais, très mal foutu. Mais d'ailleurs, en parlant du mol, vos parents, ils viennent ici de temps en temps faire leurs courses? Non, mes parents, moi, ils vont maraîcher, hein, ils achètent tout bio, quoi. Ils ne produisent pas. Ouais, parce que ça a ouvert quand peut-être que ça vient d'ouvrir, non? C'est peut-être un événement parce que ça vient d'ouvrir. Ils veulent faire venir du monde. Moi, je suis chaud pour prendre du coup le nord, en vrai. Ouais, studio. Ok. Petite magie et la boutique okay. Du coiffeur. Très bien. Que j'aime pas trop rester ici. C'est voilà. Bien de tourner dans le même sens, comme on fasse demi-tour, qu'on s'y retrouve. Sortez de cette longue marche de couloir. Les couloirs sont vraiment très très loin, ils sont même un peu anxiogènes. Et pour donner un peu de détails, ils sont composés principalement de murs et de boutiques fermées. Ce qui ne leur donne pas vraiment beaucoup d'intérêt. À l'issue de ce couloir, vous tombez sur du coup une nouvelle place. Cette place, il s'agit simplement d'une place remplie de... Ah non, excusez-moi, je me suis trompé de route, je le refais. C'est une place plutôt vide. Par contre, vous remarquez que parmi les autres couloirs qui commencent à se dresser, donc un à votre droite, un en face de vous, et ben il y en a un qui est tout de suite à votre gauche, et il s'agit d'escalators qui descendent. Je vais aller voir le magasin d'Anima. Oui, donc du coup il y a 4 magasins, vous voyez un magasin de bougies, de savon parfumé, un fast-food, un parfum, une boutique de parfums cosmétiques et un profit d'animaux domestiques. Moi j'ai pris mes sandwichs, mais j'irais bien faire un tour au fast-food par contre. Ah ouais. Moi je suis collé à la vitrine, c'est quoi? Il y a des petits chiens. Allez, il y a des petits chiens. En plus on a de l'argent, on va pouvoir se prendre des burgers et tout, c'est trop bien. Ah bon, on peut se prendre une glace. Même. Alors, Ambre, tu vois, tu te colles tout de suite aux animaux domestiques, directement attiré par ça. Ce que tu vois. C'est que, enfin, comment dire ça? Ce qui est à la vitrine, ce ne sont pas des animaux, mais des humains qui sont actuellement dans une cage et avec du mouvement un peu derrière, mais t'arrives pas à identifier exactement ce que c'est. Durk. Je reste pas devant. Bah, je recule en direction de là où étaient les autres. Bah du coup très probablement bien. Devant le fast-food. Ouais. Tout à fait. Le fast-food, vous êtes quand même intéressé, hein, ça fait toujours du bien de manger. Et c'est vrai que c'est un des premiers trucs qui vendent la nourriture depuis que vous êtes là. Pour l'instant, il n'y a rien d'anormal. C'est un fast-food alors d'une marque que vous connaissez pas, mais qui ne présente rien de particulier. Les gars, j'espère que le fast-food, ils n'achètent pas la bouffe au magasin d'à côté. Hein. Y a quoi au magasin d'à côté? Des gens. Tu peux manger des petits chiens, c'est ça? Non, il y a des gens. Il y a des gens en cage. Des gens en cage? Comme bah, toi et moi? Ouais. Comme à Amsterdam? Ouais. Avec des barreaux. Ouais, ah, chaud. Mais bon... Mais c'est pas pour les... Pas pour nous, là, ici, en fait. Hein. Est-ce que vous rentrez dans le fast-food ou est-ce que vous décidez de faire autre chose parce que... Je regarde le menu du fast-food quand même. Ok. Bon, c'est un menu classique, hein, c'est des burgers. Plein de burgers. Ils ont l'origine de la viande ou comment c'est... Oui, c'est marqué viande bovine, hein, officiellement. C'est AOP. On peut en prendre un. Moi, je pense que j'en commandais un. Ah, moi aussi, j'ai la dalle. Vous rentrez dans le fast-food. Hein. La première chose sur laquelle vous marchez, ce sont des billets. Encore une fois, des billets avec un C absolument partout. Il semblerait que quelqu'un ici perde énormément d'argent dans les magasins. Je les ramasse. Hein. On va tout ramasser. Ouais, on va ramasser. Ce qu'il y a de plus, c'est surtout que vous ne voyez aucun humain. Et pourtant, toutes les 3-4 secondes, un burger est jeté de la cuisine et atterrit dans le hall du fast-food. C'est jeté. Il atterrit où ? Par terre ? Oui, ça dépend. Des fois, ça atterrit par terre, des fois sur un comptoir, des fois sur une table. Il atterrit. Vous voyez qu'il y a déjà quand même pas mal de burgers. Certains tombés, écrasés, d'autres bien retombés. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a aucun être humain. Pour voir qui jette les burgers, j'essaie d'en attraper un au vol. Ok, fais-moi un petit geste, s'il te plaît. En plus, comme tu as EPS, je te mets 2D. Oh, j'aimerais bien utiliser mes compétences de basket. 2 et 5. Ah. C'est vrai. 2 et 5, de toute façon, c'est une réussite. Donc, tu en attrapes un au vol et ils sont délicieusement bons. Vas-y, moi aussi, j'en veux. Vas-y, ouais, je tu veux pas les prendre avant de... Je tape un croc. Attends. Tu tapes un croc. Tu as un pain extrêmement moelleux, une viande bien chaude, bien cuite, avec la sauce qui prend vraiment du bon goût, du fromage. Enfin, un burger, tout ce qui est classique, est d'absolument délicieux. Par contre, au moment où tu l'as attrapé, un autre burger est directement rejeté, sans même attendre les 3-4 secondes qu'il y a habituellement. Oh, j'essaie d'en attraper un, moi, alors. Ok, pareil, fais-moi un geste, s'il te plaît. Joseph, tu n'as pas de bonus, donc un seul. 2. Ok, tu essayes d'attraper, tu n'y arrives pas. Le burger, tout simplement, s'échappe des mains. C'est vrai que pour l'instant, je sais pas en fait la règle que je viens de réaliser de vous dire à l'avance, mais comment on fait des petits jets pour le moment, c'est rigolo. Ils sont emballés ou pas ? Non, ils sont comme ça, vraiment, offerts. D'accord, ok. Bah, je vais pas le ramasser pour le manger alors. De toute façon, il y a juste à attendre parce que ça renvoie. Ça renvoie. Le rythme est devenu beaucoup plus intense. Tu en attrapes un. Fais-moi un geste, s'il te plaît, très rapide. On est sur des gestes sans trop. Ok, t'arrives à en attraper. Pareil, au moment où t'attrapes, un autre immédiatement est ressorti. Et vous voyez que maintenant, le rythme des burgers, c'est un rythme de 1 tous les 2 millisecondes. Ça sort. Ça commence à vraiment remplir la boutique. Vous commencez à vous en prendre dans la figure. Recule. Ouais, on est en train de se faire mitrailler par des sandwichs là. Mais moi je vais rentrer dans la. Dans la cuisine pour voir ce qui se passe en fait. Ok. Là maintenant on va appliquer Rex, c'est la première fois qu'il y a un enjeu sur un jet, un vrai enjeu. Puisque je l'avais oublié, j'avoue. mon cher Joseph, tu vas du coup devoir un peu courir, sachant que tu marches sur des burgers la majorité du temps. Donc tu vas me faire s'il te plaît un test, sachant que tu n'as pas de bonus de course, de résultat ni rien. Et si tu le rates, tu vas tout simplement t'échouer sur le sol et peut-être pas pouvoir te relever assez rapidement par rapport à la vitesse des burgers. Donc un des 6. Un des 6. 6. Bien, tu arrives à courir, tu ne perds pas équilibre. Tu arrives au niveau de la porte et tu vois une cuisine endiablée, en train de tout simplement faire cuire la viande, mettre les pains, jeter immédiatement. T'es obligé d'ailleurs de te baisser pour pas te prendre la viande dans la figure, enfin le burger dans la figure. Et surtout, ce que tu remarques, c'est que personne cuisine. La cuisine cuisine toute seule. Oh, you. Quoi ? Oui. C'est trop bizarre, là. On dirait que la cuisine, elle fait toute seule à manger. On peut dire que celui qui tient ce fast-food a trouvé une véritable recette, hein. Ne pas avoir d'employés à payer. Bravo. Et du coup, là, on voit les couteaux volés, les trucs, les friteuses marcher, etc. Oui, c'est ça. C'est que tout fonctionne tout seul. Alors, il n'y a pas de friteuse. C'est vraiment que le burger. Ils font les burgers et ils les lancent aux clients. Et donc, d'ailleurs, pendant ce moment-là, ça continue d'affluer. Et la quantité de burgers devient quand même assez astronomique. Hein, Moi, je suis près de la sortie. Moi, j'ai ouvert la porte de la sortie. Je vous dis direct. La porte est ouverte. Est-ce que je peux chercher un bouton on-off ici? Tu peux chercher, tu me fais un test, et si t'échoues, bah tu ne le trouves pas, simplement. Peut-être qu'il n'existe pas, c'est surtout ça. Est-ce que les burgers sortent du magasin? Je lance un dé. Oui, un dé. Un. Ok. Très bien. Tu cherches le un bouton off hein, et tu vas pas trouver de bouton. Par contre, ce que tu vas trouver, ce sont des gens. Précisément trois personnes qui étaient cachées dans un placard. Et quand tu vas ouvrir le placard, les trois vont tomber, se redresser immédiatement, se recacher un peu derrière la porte, allumer la caméra qu'ils avaient sur eux, et tu entends l'un d'entre eux faire « Bonjour, vous êtes visiblement des clients du centre commercial, nous sommes actuellement en pleine enquête dessus, pouvez-vous nous dire depuis combien de temps vous le fréquentez ?» Je me tourne, mais vous étiez dans un placard là ? Bien sûr, vous voyez bien que les burgers sont un peu dangereux. On a failli perdre l'un d'entre nous, notre ingé son, Simon. Je vois. Simon ? Oui, bien sûr, Simon. Il est où, Simon ? Il est pas. Ah ben, il est juste là. Tu vois qu'il indique un homme de 30 ans, roux, avec une grosse barbe. Il fait coucou. Coucou. Ouais, vraiment. Il est là, et il a avec une toute petite perche. Il fait coucou. Oui, bah, comment... Enfin, je pense que... Mais pourquoi vous me posez des questions à moi ? Bien, parce que vous êtes les premiers clients qu'on arrive à trouver, et donc on aimerait savoir, vous comprenez, on essaie de comprendre les secrets du centre, comment ça fonctionne. Typiquement, avez-vous une théorie sur le fait des... Et là, il se prend un burger dans la figure. Des burgers volants. Vous avez une théorie ? Tu sais, je suis en train de bugger dans ma tête, et là, je sens le théorème de Pythagore, tu sais. Moi, j'utilise ma voix de chanteuse de punk. Je vais épargner tout le monde pour hurler. Grouillez-vous de sortir ! Parce que oui, là, on arrive à peu près au genou déjà sur les hamburgers, j'ai l'impression, hein, vu le temps qu'il met. Tout à fait. Très bien vu. À ce je moment, coince la ça, porte. Vous quand même j'essaie de coincer la porte. C'est très violent. Et donc, je vais demander à chacun, pour pouvoir partir, de faire un jet de course. Et si vous échouez, vous allez devoir, comme tout à l'heure, tomber et peut-être vous faire éclater par des burgers. Bah, du coup, moi j'ai basket, est-ce qu'on peut compter ça dans le oui, sport? Oui, tout à fait, mais... oui, ça fait un... Oui, non, tout à fait, je considère... en basket, tu sais courir, donc t'as un peu d'agilité. On l'a fait, merci. Joseph, t'as un peu de bonus. Oui, aussi. Et Alex, pour partir, tu as toi 2 dés bonus, donc tu as 3 dés 6. Tu fais le premier jet à 3 dés. Parce que t'as EPS et course. Est-ce que je fais un jet pour le chien? Et sur le premier test à 3 dés, j'ai fait un 5. Ok. Non, sur... Non, le chien, pour l'instant, il est avec toi. Il partage tes jets. Les résultats... Joseph, tu m'as dit 4. J'ai pas dit. Ok. Donc, un échec. Et... échec. Kylian. Ok. Échec. Alex, toi, tu réalises tout de suite, en fait, que même si ce burger était délicieux, bien juteux, parfaitement cuit, il commence à en avoir un peu trop et que bientôt, ça risque de vous bloquer le passage, bloquer l'oxygène et pourquoi pas vous étouffer en dessous. Donc, tu suis immédiatement la voie de Ambre et tu te diriges vers la porte. T'en prends 2-3 au passage, quand même. T'en prends 2-3 au passage parce que, quand même, ils sont vraiment délicieux. C'est un des meilleurs burgers que t'as mangé de ta vie. Le en tout cas, pour du fast-food. Je noterai l'adresse. Malheureusement, Kylian et Joseph, vous, pareil, vous tournez. Malheureusement, vous êtes beaucoup plus enfoncé dans la salle qu'Alex, donc vous allez devoir parcourir plus de distance. Et plus de distance à marcher dans des burgers, bah, malheureusement, ça donne plus de chances de tomber. Le premier à tomber, c'est Joseph. Tu t'écrases vraiment dans les burgers. Et Kylian, ce que tu vois, c'est Joseph tomber juste devant toi. Et à la seconde où il rentre en impact avec les burgers, 4, 5, 6 burgers... saute littéralement dessus de la part de la cuisine et il commence à se faire assourdir, enfin recouvrir par les burgers et ça te trouble et tu glisses toi aussi et donc vous allez devoir vous débattre pour sortir de ces burgers qui vous mitraillent littéralement et essayent de vous étouffer en dessous de leur poids et de leur délicieuse viande. Je vais vous demander à chacun... alors, attendez. Je crois que c'est moi en fait qui fait ce jet-là. Je vous dis ça dans une seconde. Parce que on va arriver aux premières blessures. Vous avez abandonné les gars dans le placard en plus. Ils vont s'en sortir. Ouais, totalement. Eux, ils ont été abandonnés. Ils vont se. Horrible. Ils ont C'est okay. Ça, dit Simon. Vous allez devoir faire un jet parce qu'ils ne sont pas vraiment conscients, donc ça va être eux qui vont le faire. Enfin, c'est vous qui allez le faire, pardon. Vous allez faire un jet pour vous débattre de là, donc quelque chose de physique, un jet physique. Donc, basketball rentre et malheureusement, camping, tout ça, ça rentre pas. Donc, Joseph, pas de bonus, Kylian, un seul. Donc, ça fait 2d6 et 1d6. Je peux l'utiliser là. Je sais pas. Je m'énerve. Tu sais quoi, ouais, ça te donne de l'adrénaline, ça t'énerve, donc je t'autorise un dé de plus, sachant que si vous arrivez, vous sortez de là avec une blessure légère, si vous n'y arrivez pas, vous en sortirez quand même, mais vous aurez du coup deux blessures légères, si je dis pas de bêtises. J'ai deux blessures légères. D'accord, voilà. Le troisième dé me sauve. Eh bien, bravo. Toi, Kylian, ça t'énerve. Tu vas même lâcher une ou deux insultes en te relevant, maudissant ces burgers sûrement faits par des gens qui font le trottoir. Tu te mets à courir et t'es juste énervé. Tu deviens tout rouge et tu veux juste retourner sur cette place et ça te fait chier, quoi. Par contre, Joseph, toi, c'est la galère et tu te fais vraiment, vraiment recouvrir à un point. Ça devient un poids vraiment lourd à porter. T'arrives malgré tout, grâce à la graisse de la viande, à sortir, à glisser entre guillemets entre les burgers. Hein. Et malheureusement, bah, ça va te faire quand même des petits bleus, ça va te faire quand même un petit poids et tu vas te prendre du coup les deux blessures légères. Ce qui veut dire que maintenant, tu as un malus de dés sur tes jets. D'accord. Donc je rappelle par contre, parce que ça risque d'arriver, si tu fais des jets négatifs, tu lances 2d6 et tu gardes au minimum. Ok. Et vu que t'as deux blessures légères, donc t'as rempli tes deux cases légères, donc c'est-à-dire que là, si tu prends une nouvelle légère, ça devient une blessure modérée. Ok. Voilà. Voilà. Pour le truc, vous sortez de là, tous vivants, un peu blessés, en fait vraiment, enfin par contre, totalement huileux, gras pour Kylian et Joseph. Et... vous êtes au niveau de la place, vous avez fermé la porte pour éviter que les burgers débordent. Je vous laisse en discuter puis agir. C'est quoi ce merdier? Moi, je suis en train de manger un burger en plus. Et... Alors. Mais putain. Ça attaque bien au flanc, il tire bien la cuisine. Je comprends pourquoi les parents me disent que c'est mauvais pour la santé, quoi. Putain. Plus jamais j'en mange. Plus jamais, c'est bon. Non mais c'est bien, j'avais déjà envie de vomir du magasin d'avant, là je crois que moi je mange plus pendant 3 semaines. C'était qui ces gars dans le placard là? Ils se prenaient pour des reporters du magasin. Des gars dans le placard? Il y avait des gars dans les placards de la cuisine. Il y avait des gars dans un placard? Ouais, trois, dont un ingé son qui s'appelait Simon, c'est pour te dire. Et tu les as laissés là-bas? Je sais pas, on a couru dès que tu as crié en fait. Ouais. Ah bah là, ils sont à l'intérieur. Ouais, ils ont peut-être pris... Il y a peut-être l'entrée de service, hein. Ils sont peut-être partis par là. Oui, il y a certainement, ils sont peut-être planqués dans le placard et ils attendent que ça finisse. Ils auront de quoi manger si besoin, ils peuvent tenir encore un petit moment. Ouais. Bon, en tous les cas, je suis pas trop fan de rester ici. J'ai peur que la porte explose. Ouais, on prend l'escalator. L'escalator se trouve où? Là, juste en face. Okay. C'est. Ouais, c'est à gauche, en gros ça qui est. De notre... Là où on est arrivé, ouais. Okay. Exactement. Très bien. Vous prenez l'escalator, un très grand escalator. Et l'ambiance change vraiment du tout de, entre le. La petite place que vous avez et le moment où vous êtes Bah dans les escalators. L'escalator descend, donc vous arrivez vers les étages inférieurs. Putain, vous poquez la graisse, c'est horrible. Ouais, mais je... Putain, et le ketchup. On va trouver un magasin de vêtements, là, parce que là, je sais pas... Ou des douches, quoi, je sais pas, faites un truc. Hein. Non, bah, les douches, ça va être compliqué. Hein. Il y avait le magasin de savon. Non, attends, c'est dégueulasse. C'est vrai qu'on aurait pu aller au... dégueulasse, on est d'accord. On aurait pu aller au cosmétique juste après, j'avoue. Non, attends. On sait jamais si la porte, elle craque. Hein. Non, attends, on va se retrouver sous un déluge de parfums, non merci. Voilà, on s'est occupé le temps de l'escalator. Exactement. Non, mais merci beaucoup. Ça m'aide, moi, à faire des trucs d'aléatoire. Vous arrivez, donc, dans un parking. Le parking est gigantesque, à perte de vue. Il n'y a que quelques rares voitures. Et vous y voyez des espèces de sacs d'un mètre de haut, à peu près. Avec une énorme trompe qui sert d'aspirateur et qui ont l'air de passer littéralement l'aspirateur dans le lieu. Des sacs qui passent aspirateur. Oui, en autonomie totale, des sacs d'un mètre. Moi, j'ai mal en approché, j'ai un peu observé parce que je comprends pas trop comment ça fonctionne ce machin. Tu approches, le sac s'arrête et tu l'entends faire. Il est sale! Il est sale! Merde! Et... Je frappe le sac. Vraiment? Bah, pas doucement, oui. J'ai eu peur. Ok. Ok, ok. Alors, pour finir quand même de décrire, vous entendez un gros brouhaha au moment où lui fait ce bruit-là, et même si vous réagissez immédiatement, vous prenez conscience que tous les autres qui étaient dans la zone, mais un peu éloignés, commencent du coup à se rapprocher de vous. Ce qui est d'autant plus discret qu'en arrivant en bas, comme c'était l'indice, j'ai hurlé Simon très fort. Avec ma weapon. Donc tout le monde sait où on est. Voilà. Exactement. Donc non seulement vous savez où il est, mais en plus ils savent que l'un d'entre vous est sale. Et ça, c'est pas bien. Donc ils vont aller se taper. Heureusement, Kylian, qui est sanguin, il va vouloir aller le frapper. Donc je regarde. Ah, mais, je suis effrayé. Il n'avait pas à dire ça comme ça, quoi. Il a dit toi-même. Ah non, mais... Je faites comme vous voulez. Attention, je n'ai pas de problème avec ça. Ok. Eh bien, tu vas me faire, s'il te plaît, un test. Normalement c'est 2D parce que t'as sanguin, je te le fais passer dedans, le basket ne rentre pas dedans, donc voilà, je te laisse faire 2D6 s'il te plaît pour voir ce qu'il y en a. Ok, donc c'est une réussite, tu vois, tu donnes un, je sais pas, tu donnes quoi en fait, comment tu le frappes? J'ai pas compris qu'est-ce que c'était, parce que moi je pensais que c'était un sac. Alors, poubelle c'est... Non, mais c'est littéralement ça, c'est un sac plastique, un sac poubelle d'un mètre de haut, tu vois, avec au milieu un énorme trompe qui sert d'aspirateur et qui parle. C'est littéralement ça. Je vais juste le faire reculer, quoi. Qu'est-ce que t'es, toi? Tu le pousses, c'est ça? Je le pousse violemment, ouais. Ok, ouais, tu pousses violemment en lui hurlant qu'est-ce que t'es. Non, mais tu vois que la seule réponse est sale! Sale! Et il y a un écho derrière qui sort des 2-3 voitures qui vous entourent, qui répètent « Sale ! Sale !» On va peut-être remonter, non? Parce que... Attends. Alex, tiens, je jette à Alex, je sors en fait d'une de mes méga grandes poches de baggy, une bombe de peinture, j'ai fait « Vas-y, bombarde quelque part !» Ok, j'y vais. Vas-y, moi j'en prends une autre. Et on commence à taguer sur okay. Des pylônes, sur des voitures, un truc pour crader quelque part, quoi. C'est très intelligent. Donc, je vous demande un test. Si ça échoue, ça va pas assez leur occuper l'esprit, contrairement à une personne sale. Par contre, si c'est une réussite, sachant que je vous mets 3d6, parce que je vous mets un point bonus pour l'objet et un point bonus pour la situation, parce que je trouve ça très malin, donc j'encourage. Et du coup, si avec 3d6, si l'un d'entre vous fait un D6, ça peut suffire à les soigner. Ok. Alors, je dirais même plus, je récupère les chaussettes sales de Simon que j'avais dans ma poche et je les jette à l'autre bout de la pièce en gueulant grenade. Bon ben moi c'est chier hein, comme d'hab, voilà. Et ben heureusement t'as donné une bombe à Alex. Et donc toi malheureusement Ambre, tu mets un morceau de peinture, mais pour l'instant ça te fait que répéter sale, sale. Mais au moment où toi Alex, du coup tu je sais pas si je confonds les prénoms, enfin bref désolé, du coup c'est Ambre qui a galéré et Alex, tu jettes la chaussette, ce qui est vraiment les troubles, hein, tous s'arrêtent et se tournent vers la chaussette et tu bombardes de peinture pour encore plus les troubler. Tu vois que tous semblent avoir oublié la présence de Joseph et de Kylian qui sont un peu remplis de graisse et bah du coup il faut qu'on remonte et qu'on aille chercher. C'est tard. Putain ouais vas-y on remonte, on va en... ouais ok. Bon, moi très je bien. Prends l'escalade. On reprend l'escalade. On ça soit pas le souk là-haut. Remontez les escalators. Vous... Et si jamais... Courez. On peut toujours aller en chercher de nouveau dans la boutique de sport d'hiver. Ouais, ouais, c'est ce que je pensais faire, en fait. Comme ça, je vais au moins pouvoir me... Comme ça, tu te relook. Ouais, ça va être cool, en plus. Oh, moi, ma bombe de peinture, par contre, j'aime bien le vert. Ok. Vous... excusez-moi. Vous remontez et vous courez aux directions du magasin de parfum. Sur le magasin de parfum, ce que vous remarquez déjà, c'est qu'il y a un énorme tag avec un œil qui est dessiné dessus à la bombe dans une couleur blanche. L'œil magique, quoi. L'œil magique. Alors, c'est pas le même œil, ouais. Le logo n'est pas la même chose, c'est juste vraiment un œil un peu plus classique. Ils auraient c'est pu être original, hein. Eh, c'est Big Brother, en fait. Non, mais sérieux, vous voulez pas aller au magasin de... On revient au magasin de... Mais si, on y va, vous aurez des blousons, vous aurez des fringues propres, parce que... Ouais, non, on y va, on y va. De toute façon, okay, vous serez toujours sale, même avec du parfum. Okay. Mais non, mais on passe aussi au truc de cosmétique, et on va récupérer les trucs pour ces trucs aussi. Pour rentrer, j'irai aux toilettes et puis voilà. Dans ouais. Le comment ça s'appelle? Oui, dans la boutique de parfum. Excusez-moi. Vous rentrez et que chacun me fasse un petit dessin, s'il vous plaît. Moi, je suis pas sûr de vouloir rentrer sa cocotte là-dedans. Si, si. Non, mais moi, je rentre pas, ça pue. Petite. Alors. Moi, je rentre pas, ça pue. C'est, je tire pas, c'est bon. Ok. Eh bien. C'est comme tu veux. Ah non, mais si je fais pas rentrer. Si tu veux pas c'est ton problème. Hein. Bah, moi, je suis pas sale. Qui a fait le plus petit nombre? J'ai fait 2. J'ai fait 4. C'est moi. Ambre, donc tu valides, tu restes à l'extérieur? Ah ouais, non, mais ça, de toute façon, le rat il supportera pas, hein. J'ai pas envie qu'il décède. Ok. Joseph, quand tu rentres, tu sens une odeur délicieuse. Dis-moi, Joseph, c'est quoi ton odeur préférée? Ah, je pense que c'est le pain grillé, tu sais, du matin avec un peu de beurre dessus. Eh ben. quand tu rentres, la parfumerie sent énormément cette odeur de pain grillé avec le beurre dessus bien fondu. J'adore l'odeur du burger, c'est. Ouais, mais c'est bon, alors du coup, t'as pas besoin de te changer. C'est bon, je peux partir. Voilà, tu rentres dedans et vraiment, ça, t'as plein d'odeurs. Et à chaque fois, tu vas en rentrer, tu vas avoir une odeur comme ça qui t'est chère, l'odeur du pain grillé, une odeur familière que tu as connue dans ton enfance. Et. Alors que vous êtes tous les trois à l'intérieur, vous voyez une voix sortir d'une caméra, semble-t-il. La caméra a quelque chose de particulier, c'est qu'elle a un œil humain. Et qui vous dit... J'espère que vous n'êtes pas venu générer des embrouilles. Et parce qu'on n'a plus le temps, on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce qu'il est 16h. Oh, qu'est-ce que ça peut lui faire ? C'est un œil. Tout à fait. Tu le notes, ça sera la première phrase du début de la prochaine session.